Les esclaves de Paris, par Émile Gaboriau. Première partie, le chantage. Chapitre 1er. La journée du 8 février 1860 et quelques fut une des plus rigoureuses de l'hiver. À midi, le thermomètre de l'ingénieur Chevalier, qui est l'oracle des Parisiens, marquait 9 degrés, 3 dixièmes au-dessous de zéro. Le ciel était sombre et chargé de neige. La pluie de la veille était si bien gelée sur les pavés que la circulation était périlleuse et que les fiacres et omnibus avaient interrompu leur service. La ville était lugubre. À Paris, bien qu'on y puisse mourir de faim, tout comme sur le radeau de la Méduse, on ne s'inquiète pas démesurément de ceux qui n'ont pas de pain. Il semble que, du banquet quotidien d'un million de convives, il doit tomber assez de miettes pour rassasier ceux qui n'ont pas trouvé place à table. Mais l'hiver, quand la Seine charrie, involontairement, on pense à ceux qui n'ont pas de bois et on les plaint. Cela est si vrai que ce jour du 8 février, la maîtresse de l'hôtel du Pérou, Madame Loupias, une âpre et dure auvergnate, se préoccupa de ses locataires autrement que pour augmenter leur loyer ou les harceler de ses incessantes demandes d'argent. « Quel froid d'ours !» dit-elle à son mari, occupé à bourrer de charbon de terre le poêle de la loge. « Par des temps pareils, je suis toujours inquiète. Depuis cet hiver où nous avons trouvé un de nos locataires pendu là-haut. L'accident nous coûta bien 50 francs, sans compter les injures des voisins. Tu devrais voir ce que font nos gens des mansardes. « Bon, » répondit Loupias, « ils sont sortis pour se réchauffer. Tu crois ? J'en suis sûr. Le père Tantaine a filé au petit jour, et j'ai vu peu après descendre M. Paul Violaine. Il n'y a plus là-haut que Rose. » Et je pense qu'elle aura eu le bon esprit de rester couchée. « Oh, celle-là !» fit la Loupias d'un ton méchant. « Je ne la plains guère. Si je n'ai pas eu la berlue l'autre soir, elle ne tardera pas à planter là, monsieur Paul. Elle est trop belle pour notre maison, cette fille. » C'est rue de la Huchette, à 20 pas de la place du Petit Pont, qui est située l'hôtel du Pérou, et jamais enseigne, ne fut plus cruellement ironique. L'extérieur sordide de la maison, l'allée étroite et boueuse, les fenêtres à carreaux ternes, tout crie aux passants, ici on loge la misère. Au premier abord, on soupçonne un repère. Point, l'endroit est honnête. C'est un de ces asiles de plus en plus rares dans notre Paris tout neuf, où les pauvres honteux, les déclassés, les vaincus de toutes les luttes sociales, trouvent en échange de leur dernière pièce de 100 sous, un abri et un lit. On se réfugie là comme un naufragé prend pied sur un écueil. On respire un moment et dès qu'on a la force, on repart. Impossible, si misérable qu'on soit, de concevoir la pensée d'habiter sérieusement l'hôtel du Pérou. De haut en bas, au moyen de châssis de toile et de papier d'occasion, tous les étages ont été divisés en quantité de petites cellules que la Loupias appelle fastueusement ses chambres. Les châssis se disloquent, les papiers raillés pendent dans l'oc, c'est hideux. C'est splendide, comparé aux mansardes. Il n'y en a que deux, heureusement. Conquis sur un grenier, séparé de la toiture par un faux plafond, éclairé par des fenêtres en tabatière, si basses qu'à peine on s'y peut tenir debout. Elles ont pour meubles un lit à matelas de varech, une table boiteuse et 2 chaises. Telles quelles, la Loupias les loue 22 francs chacune par mois à cause de la cheminée, assure-t-elle, un trou informe dans le mur. Et elle ne reste jamais vide. C'est dans une de ces mansardes que, par cet horrible froid, se trouvait la jeune femme dont Loupias avait prononcé le nom. Jamais plus admirable créature ne fut mise au monde pour le ravissement des yeux. Elle venait d'avoir 19 ans, elle était blonde et blanche. De longs cils recourbés voilaient à demi l'éclat un peu dur de ses yeux bleus à reflets d'acier. Ses lèvres, qui s'entr'ouvraient sur des dents fines et nacrées, ne semblaient faites que pour sourire. Ses cheveux dorés, lumineux et vivants, criplés sur le front, étaient retenus à demi sur la nuque par un peigne de 4 sous, et retombait à flot, narguant les fausses tresses sur des épaules d'un dessin exquis. Elle n'était pas restée couchée ainsi que l'avait supposé Loupias. Elle s'est élevée, et jetant en guise de châle sur sa mauvaise robe d'indienne la couverture du lit, une couverture digne du logis, sale, reprisée, pelée, elle était venue s'établir près de la cheminée. Pourquoi là, plutôt qu'ailleurs? C'était bien une idée. L'âtre était froid. Dans le fond, 2 tisons, gros chacun comme le poing, faisait bien à eux deux autant de fumée qu'une cigarette, mais ne donnait aucune chaleur. N'importe. accroupi sur une loque immonde que la loupiasse décorait du nom de tapis de foyer. Rose se tirait les cartes, essayant de se consoler des souffrances du présent par les promesses de l'avenir. Elle apportait à cette grave opération une attention si grande, un tel recueillement, qu'elle ne semblait pas sentir le froid qui bleuissait ses mains. Devant elle, en demi-cercle, elle avait étalé ses cartes molles et crasseuses, et du bout du doigt, en prenant bien garde de ne se pas tromper, elle comptait de trois en trois, ainsi que cela se pratique, commencer. Chacune des cartes sur lesquelles s'arrêtait son doigt, ayant pour elle une signification favorable ou fâcheuse, elle se réjouissait ou se dépitait. « Une, deux, trois, » disait-elle, « un jeune homme blanc. Ce doit être Paul. Une, deux, trois, démarche. Une, deux, trois, de l'argent pour moi. Une, deux, trois, non, voilà des retards. Une, deux, trois. Le neuf de pique, c'est-à-dire des chagrins, l'abandon, le dénuement, toujours le neuf de pique. » En vérité, elle était consternée comme si elle eût reçu l'assurance d'un désastre prochain. Mais elle se remit vite. De nouveau, elle mêla le jeu, le battit, le coupa scrupuleusement de la main gauche, l'étala devant elle et recommença à compter. Une, deux, trois. Les cartes, cette fois, se montrèrent propices et n'eurent que des promesses séduisantes. « On t'aime, » lui dirent-elles dans leur langage qui est celui des sorcières. « Beaucoup, de tout cœur, au loin, tu auras une fortune, on pense à toi. Tu recevras mystérieusement une lettre d'un jeune homme brun très riche. » Le jeune homme était représenté par le valet de trèfle. « Encore l'autre, » murmura Rose. « Décidément, c'est la destinée qu'il veut. » Aussitôt, elle retira d'une fente de la cheminée, sa cachette, une lettre pliée menue, sale, fripée, qu'elle avait lue bien souvent. Pour la 20e fois, depuis la veille, elle relut bien lentement. « Mademoiselle, je vous ai vue et je vous aime. Parole d'honneur. C'est vous dire que votre place n'est pas dans le quartier infect où vous cachez votre beauté. » Un ravissant appartement, citronnier et palissandre, vous attend rue de Douai. Je suis carré en affaires, le loyer sera votre nom. Réfléchissez, allez aux informations, je présente des garanties sérieuses. Je ne suis pas majeur, mais je le serai dans 5 mois et 3 jours, et je serai libre alors de disposer de l'héritage de ma mère. De plus, mon père est vieux, infirme. Peut-être, en s'y prenant bien, arriverait-on à le faire interdire. Dois-je faire prévenir la couturière ? Pendant 5 jours, à partir d'aujourd'hui, j'irai, de 4 à 6, attendre en voiture votre décision, au coin de la place du Petit Pont. Gaston de Grandelue. Cette lettre abominable, honteuse, ridicule, bien digne d'un de ces jeunes drôles que le mépris public a baptisé du nom de Petit Crevé, ne semblait nullement révolter Rose. Bien plus, cette prose idiote l'enivrait et lui paraissait la plus délicieuse musique. Si j'osais, murmurait-elle, frémissante de convoitise. « C'est Joset. » Elle restait, pensive, le front appuyé sur sa main, quand un pas jeune et leste fit craquer le frêle escalier. « Lui ? » fit-elle effrayée. « Paul ? » Et d'un mouvement effarouché, rapide et précis comme celui d'une chatte, elle fit disparaître la lettre dans la fente du mur. Il était temps, Paul Violaine entrait. C'était un tout jeune homme, de 23 ans à peine, svelte, admirablement pris dans sa taille. Son visage, du plus pur ovale, avait la pâleur unie et mate des races du midi. Une moustache fine et soyeuse estompait sa lèvre, un peu épaisse, juste assez pour donner à sa physionomie un caractère viril. Ses cheveux blonds, bouclés naturellement autour d'un front intelligent et fier, faisaient ressortir l'étrange vivacité de ses grands yeux noirs. Sa beauté, plus saisissante que celle de Rose, était encore rehaussée par cette distinction innée qui, sans être précisément le privilège des héritiers des grandes maisons, ne saurait s'acquérir. La loupiasse a toujours prétendu que son locataire des mansardes lui imposait beaucoup et lui faisait l'effet d'un prince déguisé. Pauvre prince en ce moment. Ses vêtements, en dépit d'une propreté miraculeuse, décelaient la misère, non celle qui s'étale et sans vergogne vit la pitié, mais celle bien autrement cruelle, qui rougit d'un retard de commisération, qui se tait et se cache. Il portait, par cette température sibérienne, un pantalon, un gilet et un habit de drap noir, élimé par la brosse, mince à donner le frisson. Il avait encore, il est vrai, un léger pardessus d'été de couleur claire, presque aussi épais que le tissu d'une forte araignée. Ses souliers étaient supérieurement cirés, mais ils accusaient des courses désespérées après la fortune. Paul, à son entrée, avait sous le bras un rouleau de papier qu'il déposa, qu'il laissa tomber plutôt, sur le grabat. « Rien, » fit-il d'un ton d'affreux découragement, « encore rien. » La jeune femme, oubliant ses cartes sur le tapis, s'était redressée. Sa figure, tout à l'heure encore souriante, avait pris une expression de morne lassitude. « Quoi ? » répondit-elle, simulant une surprise que certes elle n'éprouvait pas. « Quoi ? Rien ? Après ce que tu m'avais dit en partant ce matin ? Ce matin, Rose, j'espérais. Je croyais. Je t'ai dit de croire. On m'a trompé. Ou plutôt je me suis trompé moi-même. J'avais pris des assurances en l'air pour des promesses sincères. Ici, les gens n'ont même pas la charité de vous dire non. Ils vous écoutent d'un air d'intérêt. Ils se mettent à votre disposition. La main tournée, ils ne pensent plus à vous. Des protestations banales. Voilà la seule monnaie qu'est cette ville maudite au service des malheureux. » Il y eut un long silence. Paul était trop profondément absorbé pour remarquer de quel air de mépris Rose le considérait. Elle semblait indignée au spectacle de cette consternation résignée. « Nous voilà dans une belle position, » dit-elle enfin. « Qu'allons-nous devenir ? » ?»« Eh, le sais-je moi-même ? » ?»« Alors c'est fini. Hier, en ton absence, je n'avais pas voulu te le dire pour ne point te troubler inutilement. La Loupia s'est montée me réclamer les 11 francs de la quinzaine échue. Si d'ici 3 jours elle n'a pas son argent, elle nous mettra dehors, elle me l'a dit, elle le fera, je la connais. Oui, elle le fera. Quand ce ne serait que pour avoir la jouissance de me voir sur le pavé, car elle me hait, l'affreuse grêlée. Être seul au monde, murmurait Paul, isolé, perdu, n'avoir pas un parent, pas un ami, personne. Nous ne possédons plus un centime. Poursuivait Rose avec une persistance féroce. J'ai vendu la semaine passée mes dernières nippes. Nous n'avons plus de bois. Enfin, nous n'avons pas mangé depuis hier matin. » À ces objections formulées comme des reproches poignants, le malheureux jeune homme étreignait son front de ses mains crispées, comme s'il eût espéré en faire jaillir une idée de salut. « Voilà le tableau, » continuait l'imperturbable Rose. « Moi, je dis qu'il serait bon de trouver un moyen, un expédient, quelque chose, n'importe quoi. » Brusquement, Paul se débarrassa de son léger par-dessus et le jeta sur une des chaises. « Tiens, porte cela au Mont-de-Piété. » La jeune femme ne bougea pas. « C'est tout ce que tu trouves pour nous tirer d'affaire ? » interrogea-t-elle. « On te prêtera bien 3 francs. Ça sera toujours de quoi acheter du bois et du pain. Et après ? » ?»« Après, nous verrons. Je réfléchirai. Je chercherai. Qu'est-ce que je veux ? Gagner du temps. Je finirai bien par briser le cercle fatal qui m'étreint. Le succès me viendra. Et avec le succès, la fortune. Mais il faut savoir attendre. Il faut pouvoir. N'importe. Fais toujours ce que je te dis. Et demain ?» Moins troublé, Paul lui bien reconnut à la contenance de Rose qu'elle était résolue à le pousser à bout. « Demain » fit-elle avec une ironie de plus en plus accentuée. « Toujours demain. Voici des mois que nous vivons sur ce mot. Tiens, Paul, tu n'es qu'un enfant. Il faut que tu aies enfin le courage de regarder la vérité en face. Que me prêtera-t-on sur ce vêtement usé ? 3 francs, si on me les prête. Combien de jours vivrons-nous avec ces 3 francs ? Mettons 3 jours, et ensuite ? Déjà, ne le comprends-tu pas ? Tu es trop pauvrement vêtu pour être bien reçu. Seuls les solliciteurs élégants sont favorablement écoutés. Pour obtenir une chose, il faut surtout avoir l'air de n'en avoir pas besoin. Où iras-tu quand tu n'auras que ton habit ? Tu seras ridicule, tu n'oseras plus sortir. Tais-toi ! Interrompit Paul. Je t'en prie, tais-toi ! Hélas, je ne le vois que trop clairement à cette heure. Tu es comme les autres, comme tout le monde. Ne pas réussir te semble un crime. Autrefois, tu avais confiance en moi. Tu ne me parlais pas ainsi. Autrefois, je ne savais pas. Non, Rose, non, mais tu m'aimais. Mon Dieu, n'ai-je donc pas tout essayé, tout tenté ? Je suis allé de porte en porte offrir mes compositions, ces mélodies que tu chantais si bien. J'ai demandé des leçons à tous les échos de Paris. Qu'aurais-tu fait de plus à ma place ? Parle, réponds. » Paul s'animait par degrés. Rose, au contraire, affectait une irritante nonchalance. « Je ne sais pas, » répondit-elle enfin. « Pourtant, il me semble que si j'étais un homme, je ne laisserais jamais manquer du nécessaire la femme que je prétendrais aimer. Non, jamais. J'irai, je travaillerai. Je ne suis pas un ouvrier, malheureusement. Je n'ai pas d'état. Moi, j'en apprendrai un. Combien gagne-t-on par jour à servir les maçons ? C'est peut-être pénible. Ce n'est pas, ce me semble bien difficile. Tu as, à ce que tu prétends, un rare talent ? Je ne dis pas non. Mais si j'étais un grand compositeur, et s'il n'y avait pas de pain chez moi, j'irais, sans hésiter, jouer dans les rues et dans les cafés, je chanterais dans les cours, enfin, j'aurais de l'argent quand même, n'importe comment, n'importe où, à tout prix, quand je devrais. Tu oublies que je suis un honnête homme, Rose, vraiment. Ne dirait-on pas que je te propose une mauvaise action? Ta réponse, Paul, est celle de tous ceux qui, faute d'adresse ou d'énergie, restent en chemin. On bat, vêtu comme un mendiant, le ventre vide, crevant de jalousie, mais on se redresse pour dire « je suis honnête ». Comme si on ne pouvait absolument être riche ou faire fortune sans être le dernier des coquins. C'est trop bête à la fin. Elle parlait d'une voix vibrante et une infernale hardiesse étincelait dans ses yeux. C'était bien là une de ces créatures redoutables, énergiques surtout pour le mal. Ils peuvent conduire un homme faible sur le bord de l'abîme, les pousser et l'oublier avant même qu'il roulait jusqu'au fond. Sous le fouet de ses sarcasmes, la nature violente de Paul se réveillait. La colère empourprait ses joues. « Que ne m'aides-tu toi-même » cria-t-il. « Que ne travailles-tu ? » « Oh, moi, c'est autre chose. Je ne suis pas faite pour travailler. » Paul eut un geste terrible. Il marcha la main levée sur la jeune femme. « Malheureuse !»« Tu n'es qu'une malheureuse !»« Non, j'ai faim. » Une querelle arrivée à ce point devait finir mal. Lorsqu'un bruit assez fort attira l'attention des jeunes gens, ils se retournèrent. La porte de la mansarde était ouverte, et sur le seuil se tenait debout un vieil homme qui les regardait avec un sourire paternel. Il était grand et légèrement voûté. De son visage, on ne découvrait que les pommettes couleur brique et le nez rouge, une barbe grisonnante, longue, épaisse, inculte, cachait le reste. Il portait des lunettes de pacotille à verre teinté, mais il avait eu le soin d'entourer d'un ruban noir la monture de fer. En lui, tout respirait la misère et l'incurie à leur apogée. Son paletot à large poche éraillée, informe, graisseux, portait les traces de toutes les murailles essuyées après boire. Il devait être de ces cyniques nomades qui, jugeant fastidieux de quitter les vêtements pour dormir, couchent tout habillés, à terre ou sur leur grabat. Ce vieux, Paul et Rose le connaissaient bien. Il l'avait déjà rencontré dans les escaliers et savait qu'il habitait le taudis voisin et qu'on l'appelait le père Tantaine. Sa vue rappela à Paul que d'une mansarde à l'autre on distinguait les moindres paroles, et cette idée qu'on l'avait écoutée l'exaspéra. « Que voulez-vous, monsieur ? » demanda-t-il brutalement. « Et qui vous a permis d'entrer chez moi sans frapper ?» Cette question, adressée d'un ton presque menaçant, ne sembla ni fâcher ni déconcerter le vieil homme. « Je mentirai, répondit-il, si je n'avoue pas que me trouvant par hasard chez moi, vous entendant causer de vos petites affaires, j'ai prêté l'oreille. « Monsieur !» « Attendez donc, bouillante jeunesse. Vous en êtes vite venu à une querelle, et par ma foi, cela s'explique. Quand il n'y a rien dans leur atelier, les chevaux les plus jolis, les mieux élevés se battent. Je connais ça, moi. » Il parlait de l'air le plus bénin, sans paraître avoir conscience de son indiscrétion. « Eh bien, monsieur, fit Paul, profondément humilié, vous savez au juste maintenant jusqu'où la pauvreté peut faire descendre un homme de cœur. Êtes-vous satisfait ? Allons bon !» reprit le vieux. « Voilà que vous vous fâchez. Si je suis venu, sans dire gare, c'est qu'à mon avis des voisins se doivent des secours, surtout des voisins logés à notre enseigne. Quand j'étais au courant de vos petits chagrins, je me suis dit « Voilà de jolis enfants que je veux tirer de peine. » Cette déclaration, cette promesse d'assistance, dans la bouche d'un personnage de si piteuse apparence, avait quelque chose de si véritablement comique que Rose ne put dissimuler un sourire. Elle pensait que le vieux voisin allait tirer son porte-monnaie et offrir la moitié de sa fortune, une pièce de 20 sous ou de 40 pour le moins. Paul eut une idée pareille, mais il fut touché, lui, de cette obligeance si simple et si belle, sachant que l'argent emprunte aux circonstances une prodigieuse valeur et que l'unique franc qui assure pour 2 jours le pain du pauvre est 1 000 000 de fois plus précieux que le billet de 1 000 francs du riche. « Hélas, monsieur, » fit-il, visiblement radouci, « que pouvez-vous pour nous ? Qui sait ? Vous voyez à quel extrême dénuement nous sommes arrivés peu à peu. Tout nous manque. Ne sommes-nous pas perdus ? Le père Tantaine leva les bras, comme pour prendre le ciel à témoin d'un blasphème. « Perdu ! » dit-il. « Ah, la perle cachée au fond de la mer et qui ignore sa valeur est perdue pareillement. Si un pêcheur adroit ne la découvre. Les pêcheurs sont des malheureux qui ne portent pas de perles, mais ils en savent le prix et ils les confient à des joailliers. » Il acheva sa pensée par un petit rire discret, dont le sens devait échapper aux deux pauvres enfants qui avait en germe tous les instincts mauvais, que poignaient toutes les convoitises, mais qui était ignorant et inexpérimenté. « Enfin, monsieur, reprit Paul, je serais un sot orgueilleux si je n'acceptais pas vos offres généreuses. Parfait. Cela étant, il va falloir tout d'abord descendre chercher un bon repas. Il faut s'y faire monter du bois. Il fait un froid ici. Ma vieille carcasse est à moitié gelée. Plus tard, nous songerons aux vêtements. » « Tout cela, soupira Rose, va nécessiter une grosse somme. Et qui vous dit que je ne l'ai pas ?» Lentement, le père Tantaine déboutonna son paletot, et de la poche intérieure, il retira un petit papier sale qui était fixé au moyen d'une épingle. Ce chiffon, il le déplia soigneusement et le déposa tout ouvert sur la table. « Un billet de 500 francs !» s'exclama Rose, stupéfaite. « Juste, ma belle demoiselle, répondit le vieux d'une voix triomphante. Paul se taisait. Il vit un des barreaux de la chaise sur laquelle il s'appuyait bourgeonner tout à coup et donner des feuilles, qu'il n'eût pas été plus surpris. Comment imaginer une telle somme cachée sous les haillons de ce vieux? D'où tenait-il ce billet? L'idée d'une action punissable, d'un vol, pour le moins était si naturelle et ressortait si nettement de la situation, qu'elle vint en même temps aux deux jeunes gens. Ils échangèrent le regard le plus cruellement significatif, et Paul, décontenancé, rougit jusqu'aux oreilles. Le bonhomme avait compris le soupçon. « Oh ! » fit-il, sans avoir aucunement l'air choqué, de vilaines pensées. « Il est vrai que les billets de 500 francs ne poussent pas spontanément dans des poches comme les miennes, mais celui-ci m'appartient légitimement. » Rose n'écoutait pas. Que lui importait l'explication? Le billet était là, et cela lui suffisait. Elle l'avait pris, elle le maniait, comme si le contact du papier soyeux lui eût communiqué les plus délicates sensations. « Il faut vous dire, continuait le père Tantaine, que je suis clerc d'huissier, hein ? Oui, et cela doit vous flatter. Être obligé par un clerc d'huissier, voilà un triomphe. Mais ce n'est pas tout. Je suis chargé par diverses personnes du recouvrement de créances litigieuses. De la sorte, j'ai parfois en compte des sommes assez importantes. Vous prêter 500 francs pour un certain temps ne peut donc pas me gêner. » Entre les suggestions de la nécessité et les résistances de sa conscience, Paul restait interdit, ému, comme on l'est à l'instant d'un acte décisif, tout tremblant. « Non, commença-t-il enfin, je ne saurais accepter. Mon devoir, ah, mon ami !» interrompit Rose. « Ce n'est pas honnête ce que tu fais là. Ne vois-tu pas qu'en refusant, tu chagrines monsieur ?»« Elle a raison, parbleu !» s'écria le père Tantaine. « Donc, c'est entendu. Allons, la belle enfant, descendez vite chercher les provisions, vite, il est plus de 4 heures !» Ce fut au tour de Rose de tressaillir et de rougir, comme si elle se fût sentie devinée par le vieux voisin. « 4 heures, murmura-t-elle, pensant à la lettre. Cependant, elle obéit vivement. Se posant devant la vieille glace, elle disposa presque gracieusement ses haillons, elle descendit, emportant le billet de banque. « Belle personne, remarqua le père Tantaine, avec l'accent d'un connaisseur, très belle. Et quelle intelligence! Ah, si elle est bien conseillée, elle ira loin !» Paul ne releva pas l'observation. Il recueillait ses idées en déroute. Maintenant qu'il n'était plus sous l'obsession du regard de Rose, la frayeur le prenait. Il trouvait à la physionomie de ce soi-disant clerc d'huissier quelque chose de singulier et d'inquiétant. Où a-t-on jamais vu des vieux de cette espèce jetant des 500 francs à la tête des gens? Pour sûr, cette générosité devait cacher quelque mystère, et lui, Paul, il allait peut-être se trouver compromis. Toute réflexion faite, monsieur, reprit-il résolument. Accepter de vous une telle somme ne serait pas délicat de ma part. Qui sait si je pourrais jamais m'acquitter? Bon, voici que vous doutez de vous maintenant. Ce n'est pas le moyen de réussir. Si vous avez échoué jusqu'ici, c'est que l'expérience vous manquait. Désormais, vous saurez comment vous y prendre. La misère, mon enfant, forme les hommes, de même que la paille mûrit les nèfles. D'abord, moi, j'ai confiance en vous. Ces 500 francs, vous me les rendrez quand vous voudrez. Je ne suis pas pressé. Seulement, vous me donnerez 6%, et vous allez me souscrire un billet. » « Comme cela ?» balbutia Paul. « Conclu, c'est un placement. » Paul n'était qu'un pauvre niais. Cette perspective de billet suffisait à le rassurer, comme si sa signature au bas d'un papier timbré eût pu servir à autre chose qu'à enlever à ce papier la valeur qu'il avait étant blanc. De son côté, le père Tantaine, explorant de nouveau sa poche, en tira une feuille de papier timbré qui s'y trouvait tout à point. « Écrivez, dit-il, Au 8 juin prochain, je paierai à l'ordre de M. Tantaine, etc. » Le jeune homme terminait le parable de sa signature lorsque Rose reparut, les bras chargés de provisions. Elle était radieuse, comme si un événement extraordinairement heureux fût survenu dans sa vie. Ses yeux avaient une expression étrange. Mais Paul ne remarqua rien de cela. Il observait le vieux clerc d'huissier, qui, après avoir relu le billet, le serrait aussi précieusement qu'une valeur de premier ordre. « Il est bien entendu, monsieur, reprit-il enfin, que la date n'est qu'une formalité. Il n'est pas probable que, d'ici 4 mois, je puisse économiser ce que je vous dois. » Le père Tantaine eut un bon sourire. « Que diriez-vous, prononça-t-il, si, après vous avoir prêté ces 500 francs, je vous mettais à même de me les rendre avant 1 mois ?»« Quoi, monsieur, vous pourriez ? Par moi-même, mon enfant, je ne puis rien. Cela se voit. Mais j'ai un ami qui a le bras long. Ah, si je l'avais écouté autrefois, je ne serais pas à l'hôtel du Pérou. Enfin, voulez-vous aller le trouver de ma part ? Si je le veux, mais je serais un fou de repousser cette occasion qui se présente. Eh bien, je vais voir mon ami ce soir même. Je lui parlerai de vous. Soyez chez lui demain à midi précis. Si vous lui plaisez, s'il s'occupe de vous, votre fortune est faite. » Il tira de sa poche une carte et la présenta à Paul. Il ajouta « Mon ami se nomme Mascaro, et voici son adresse. » Cependant, Rose, avec cette merveilleuse dextérité qui semble être un privilège de la Parisienne, accoutumée à se mouvoir dans un petit espace, avait tiré l'ordre du chaos et terminé ses préparatifs. La table était dressée, table digne du taudis, avec ses tessons ébréchés et ses papiers en guise de plat. Un bon feu flambait dans la cheminée, et 2 bougies éclairaient la scène, fichées, l'une dans le chandelier bossu de l'hôtel, l'autre dans une bouteille fêlée. Ce spectacle, superbe pour des yeux de 20 ans, remplissait Paul de satisfaction. Les affaires sérieuses étaient finies, les pressentiments sombres s'étaient envolés. « À table » cria-t-il, « à table !»« Voici enfin le dîner qui sera le déjeuner. » »« Allons, Rose, à ton poste. Et vous, mon cher voisin, vous allez, je l'espère, nous faire le plaisir de partager le repas que nous vous devons. » Mais le père Tantaine, bien qu'un tel festin fût fait pour le tenter et le séduire, ainsi qu'il le confessa, s'excusa avec beaucoup de protestations et de regrets. Il n'avait pas grand faim, assura-t-il, puis il avait pour 5h30 un rendez-vous de la dernière importance à l'autre bout de Paris. « Enfin, dit-il à Paul, il est indispensable que je voie Mascaro ce soir. Je dois le prévenir, le disposer en votre faveur. » Rose, assurément, ne tenait pas à la compagnie du bonhomme. Laid, malpropre, misérable. Il lui inspirait un sentiment de dégoût dont on ne triomphait pas à la reconnaissance. Puis, bien qu'on ne vît pas ses yeux, elle devinait instinctivement, sous les verres foncés de ses lunettes, un regard aigu et subtil, très capable de lire au fond de sa pensée. Ce qui n'empêche que, se faisant chatte et câline autant qu'il était en son pouvoir, elle joignit ses instances à celles de Paul pour garder leur ami. Mais il fut inébranlable. Et après avoir, une fois encore, appelé à Paul qu'il devait être exact le lendemain à midi, il sortit en criant de sa meilleure voix aux jeunes gens qui venaient de s'attabler. « Au revoir, bon appétit !» Seulement, une fois dehors, sur le palier, la porte refermée, le père Tantaine s'arrêta, s'appuyant à la rampe grossière, écoutant. Les tourtereaux, comme il les appelait, étaient d'une gaieté folle, et les éclats de leurs voix jeunes et fraîches emplissaient le dernier étage de l'hôtel du Pérou. Pourquoi non ? Paul, après des angoisses affreuses, trouvait une sécurité relative. Il avait en poche l'adresse d'un homme qui devait faire sa fortune. Enfin, sur le coin de la cheminée brillait la monnaie du billet de 500 francs, un de ces tas d'or, qui, au temps des riantes illusions, semblait inépuisable. Quant à Rose, elle ne pouvait cesser de s'égayer au sujet de ce vieux clerc d'huissier, qu'en dedans d'elle-même elle jugeait absolument idiot et qu'elle trouvait du dernier grotesque. « Courage, mes mignons !» grommela le père Tantaine. « Courage ! Ce pourrait bien être la dernière fois que vous riez ensemble. » Cela dit, avec les plus louables précautions, il descendit le raboteux escalier de l'hôtel du Pérou, que la loupiasse n'éclaire que le dimanche, parce que le gaz, dame, cela coûte de l'argent. Le père Tantaine ne sortit pas directement. Ayant, par la petite porte vitrée de la loge des propriétaires de l'hôtel, aperçu la loupiasse qui cuisinait sur son poêle des ragoûts de son pays, il entra, après avoir gratté timidement, saluant en bas, un homme que la misère a accoutumé à toutes les rebuffades. « Je viens pour vous payer ma quinzaine, madame, » annonça-t-il tout d'abord. Et en même temps, il déposait sur le coin de la commode une pièce de 10 francs et une pièce de 20 sous. Puis, pendant que Loupias, qui sait écrire, lui confectionnait un reçu, il se mit à parler de ses affaires, racontant comme quoi il venait de recueillir un héritage inattendu, qui allait lui donner l'aisance sur ses vieux jours. À l'appui de ses assertions, avec le naïf orgueil de la pauvreté qui craint de n'être pas crue sur parole, il montrait plusieurs billets de banque renfermés dans un portefeuille. Ces chiffons produisirent si bien leur effet que lorsque le bonhomme se retira, Loupias voulut à toute force le reconduire, sa lampe d'une main, sa casquette de l'autre. Le vieux clerc ne semblait d'ailleurs aucunement sensible à ses prévenances. Il allait d'un air préoccupé en homme qui poursuit un plan. Arrivé dans la rue, il s'orienta, examina les magasins des environs, et sans hésiter, il marcha droit à la boutique d'un épicier qui fait presque le coin de la rue du Petit Pont et de la rue de la Bûcherie. Cet épicier, grâce à un certain vin que lui fabrique un chimiste de Bercy, et qu'il vend 9 sous le litre, jouit dans le quartier d'une vogue bien légitime. Il est petit, gros, court, rouge, irritable, plein d'importance. Il porte des favoris à l'anglaise, Ebeuf, sergent de la garde nationale et répond au nom de Mélusin. 5 heures, dans les quartiers pauvres, c'est en hiver le moment du coup bas pour les boutiquiers. Les ouvriers reviennent de leur chantier, et les femmes qui ont quitté leur travail à la nuit hâtent les préparatifs de souper. M. Mélusin était donc si fort affairé au milieu de ses pratiques, recevant et rendant, surveillant, criant après ses garçons, qu'il ne remarqua pas l'entrée du père Tantaine. L'eût-il remarqué, il ne se serait pas dérangé pour un acheteur aussi misérablement vêtu. Mais le vieux clerc d'huissier avait, en sortant de l'hôtel du Pérou, quitté ses apparences humbles et bénignes. Se plaçant dans le coin le moins encombré de la boutique, c'est d'un ton impératif qu'il appela « Monsieur Mélusin !» L'épicier, surpris, laissa tout pour accourir. « Tiens, ce bonhomme qui me connaît !» se disait-il, sans penser que son nom brille en lettres d'un demi-pied au-dessus de la devanture. Le père Tantaine ne lui laissa pas le loisir de demander des explications. « Monsieur, commença-t-il avec un bel accent d'autorité, n'est-il pas venu ici, il n'y a qu'un moment, une jeune femme qui a échangé un billet de 500 francs ?»« Oui, monsieur, oui, » répondit Mélusin. « Mais comment avez-vous pu savoir ?» Il s'interrompit pour se donner sur la tête un grandissime coup de poing et reprit vivement. « J'y suis. Un vol a été commis, n'est-il pas vrai? Et vous êtes sur la piste du voleur. Connu, faut-il vous le dire? Quand cette jeune fille qui avait l'extérieur d'une pauvresse a changé ce billet, j'ai conçu un soupçon. Je l'ai observé attentivement et j'ai remarqué que sa main tremblait. « Excusez, » interrompit le père Tantaine, « je ne vous ai point dit qu'il s'agit d'un vol. Reconnaîtriez-vous cette jeune fille ?»« Comme moi-même, si je me rencontrais. Oui, monsieur. Une créature superbe, avec des cheveux. À telles enseignes que je l'avais distinguée déjà, car elle vient ici quelquefois, et j'ai de fortes raisons de croire qu'elle habite un hôtel borgne de la rue de la Huchette. » Le boutiquier parisien n'aime pas toujours les agents qui dressent contre lui des procès-verbaux lorsqu'il se trouve en contravention. Cependant, encouragé par la pensée de rendre service à la société, il aide volontiers les investigations. Pour faciliter une capture importante, il est capable de traits héroïques, comme de manquer une vente, par exemple. « Voulez-vous, continuait M. Mélusin, que j'envoie un de mes garçons aux informations? Faut-il requérir des sergents de ville? Inutile, cher monsieur, répondit le vieux clerc d'huissier, et même, je vous serai obligé de me garder le secret jusqu'à nouvel ordre. « Oh, je comprends. Une indiscrétion pourrait donner l'éveil. « Juste. Seulement, je vous demanderai, si vous avez conservé ce billet, la permission d'en prendre le numéro d'ordre. Je vous prierai aussi d'inscrire ce numéro sur vos livres avec une petite mention, à la date d'aujourd'hui. Autant que possible, il faut tout prévoir. Et mes livres feraient foi devant le tribunal, n'est-il pas vrai ? Je le crois bien, les livres d'un négociant. Vous voyez, je suis au courant. Une minute et je suis à vous. » Tout se passa ainsi que l'avait souhaité le bonhomme, et rapidement. Du reste, M. Mélusin ne le laissa pas s'éloigner sans toutes sortes de politesses. Il le reconduisit jusque sur le seuil de sa boutique et le suivit des yeux, convaincu qu'il venait de rendre un service éminent à un employé supérieur de la préfecture déguisé en mendiant. Mais qu'importait au père Tantaine l'opinion qu'on pouvait avoir de lui ? Il avait gagné la place du Petit Pont et paraissait y chercher quelqu'un. Déjà, il en avait fait 2 fois le tour, scrutant les coins sombres, lorsqu'il laissa échapper une exclamation de satisfaction. Il avait aperçu celui qu'il venait retrouver. C'était un affreux garnement d'une 20aine d'années, n'en paraissant guère que 15 ou 16, maigre, dégingandé, mal bâti. Il se tenait posté à l'angle du quai Saint-Michel et du Petit Pont, et effrontément demandait l'aumône, guettant de l'œil les sergents de ville, sans souci du réverbère qui l'éclairait en plein. Du premier coup, on reconnaissait en lui l'œuvre malsaine de la civilisation des grandes villes, l'ancien gamin de Paris, qui à 8 ans fumait les bouts de cigares ramassés à la porte des cafés et se grisait avec de l'eau-de-vie. Ses cheveux, d'un jaune sale, étaient déjà rares. Il avait le teint flétri et plombé, un rictus ironique contractait sa large bouche à lèvres plates, et la plus cynique audace flambait dans ses yeux. Vêtu d'une blouse grisâtre, il en avait relevé la manche droite et exposé à nu un bras tordu, rabougri, contorsionné, hideux à point pour exciter la commisération des passants. Il psalmodiait en même temps une légende monotone où sans cesse les mêmes mots revenaient « pauvre ouvrier, vieille mère à nourrir, incapable de travailler, estropié par une machine ». Le père Tantaine marcha droit à ce bon pauvre et d'un vigoureux revers de main appliqué sur la tête, fit sauter sa casquette à 3 pas. L'autre se retourna furieux, mais apercevant le bonhomme, il sembla fort penaud et murmura « pincé ». Aussitôt, grâce à une brusque contraction de l'épaule, il détourdit son bras, aussi droit et aussi sain que l'autre, en réalité, rabattit sa manche et ramassa sa casquette. « C'est donc ainsi, reprit le père Tantaine, que tu exécutes les commissions dont on te charge. Quoi ? Elle est faite depuis longtemps, votre commission ? Ce n'est pas une excuse. Grâce à ma recommandation, M. Mascarot t'a procuré une bonne position, n'est-ce pas ? Je te fais assez souvent gagner de l'argent, ainsi tu ne manques de rien. » Il était convenu que tu ne m'en dirais plus. Excusez, bourgeois, je n'en fais plus mon état. Seulement, dame, il fallait bien tuer le temps en vous attendant. D'abord, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas rester sans rien faire. J'ai récolté 7 sous, c'est toujours ça. Toto Chupin, prononça gravement le vieux clerc. Toto Chupin, vous finirez mal, c'est moi qui vous le prédis. Mais arrivons au fait. Qu'as-tu vu ? Ils avaient quitté le coin du pont et remontait lentement le quai désert, le long des vieux bâtiments de l'Hôtel-Dieu. « J'ai vu, bourgeois, ce que vous m'aviez annoncé, » répondait le garnement. À 4 heures précises, une voiture est arrivée sur la place et s'y arrêtait comme pour y prendre racine. Tenez, là-bas, en face de la boutique du perruquier. Voiture flambante, cheval superbe, cocher très bien mis. Passe. Il y avait quelqu'un dans la voiture ? Naturellement. J'ai reconnu le particulier que vous m'avez dit. Bien vêtu, ma foi. Chapeau rogné, tout plat, pantalon clair en fourreau de parapluie, veston court, oh mais d'un court, enfin, le dernier genre. Pour plus de sûreté, comme il faisait déjà sombre, je suis allé le regarder sous le nez. Il était descendu de voiture, vous m'entendez, et il battait la semelle sur le trottoir, avec un cigare non allumé aux dents. Moi, voyant le coup de temps, j'accours avec une allumette en disant « Du feu, mon prince ?» Il m'a donné une pièce de 10 sous, autant de prix. C'était bien lui, laid, petit, ratatiné, gagneux, une figure à gifle avec un pince-nez, un singe, quoi. Quand Toto Chupin raconte, le mieux est de le laisser aller. C'est au moins le plus court pour obtenir les renseignements qu'on désire. Pourtant, le vieux clerc d'huissier s'impatienta. Qu'est-il arrivé ensuite ? Pas grand-chose. Mon individu n'avait pas l'air content du tout de faire le pied de grue. Pauvre ami, il allait de ci, de là, sur le trottoir. Il faisait des moulinets avec sa badine et dévisageait les femmes. Dieu qu'il me déplaît, ce cocodès. Si jamais il vous prend envie de lui repasser une bonne volée, bourgeois, je suis votre homme. Je l'ai toisé, il n'est pas moitié si fort que moi. Mais va donc, Chupin, va donc. Bon, j'y suis. Donc, il était là, c'est-à-dire nous étions là, depuis une grande demi-heure, quand tout à coup une femme tourne la rue et vient droit au cocodès. Ah, bourgeois, la belle fille. Non, de votre vie, vous n'avez rien vu de si admirable. Moi, j'en suis resté ébloui. Mais quelle misère ! Ils se sont mis à parler tout bas. Et tu n'as rien entendu. Pour qui me prenez-vous, bourgeois ? La belle fille a dit. C'est entendu, à demain. Le cocodès a demandé. Bien vrai ? Et elle a répondu. Oui, parole d'honneur, vers midi. Là-dessus, ils se sont quittés. Elle a regagné la rue de la Huchette, lui est remontée dans sa voiture, et fouette cochée. En voilà pour 100 sous, bourgeois. La réclamation ne parut nullement choquer le vieux clerc d'huissier. Il tira de sa poche une pièce de 5 francs et la remit au précosvorien en disant « Chose promise, chose due. Mais souviens-toi de ma prédiction, Chupin, tu finiras mal. Sur quoi, bonsoir, nous ne suivons pas le même chemin. » Pendant un moment encore, le père Tantaine resta en place, observant Toto qui s'éloignait dans la direction du jardin des plantes, et c'est seulement lorsqu'il l'eut perdu de vue qu'il revint sur ses pas et s'engagea sur le pont. Il marchait fort vite et semblait aussi satisfait que possible. « Voilà qui va bien, » murmura-t-il. « Je n'ai pas perdu ma journée. J'ai tout prévu, même l'improbable. Flavie sera contente. »